Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la semaine culturelle de Radio Montmirail. Donc pas vraiment une émission, mais l'agenda culturel radiophonique de Radio Montmirail. Donc chaque samedi, vous retrouverez une nouvelle semaine culturelle qui vous présentera un événement par jour de la semaine suivante. Et nous commençons tout de suite avec la semaine du 30 octobre. Lundi 30 octobre 2017. Commençons la semaine du côté du Café Théâtre et plus précisément au Café Théâtre Les 3T. À 20h, je vous invite à découvrir la pièce « Hier est un autre jour » de Sylvain Méniac et Jean-François Cros, une comédie à 6 personnages interprétés par l'équipe des 3T. Dans cette pièce, l'avocat Pierre Meillard, au caractère rigide, se prépare en vue d'un procès important qui pourrait bien lui apporter la réputation qu'il mérite. Cependant, ses préparatifs vont être interrompus par un curieux personnage qui va lui faire vivre une journée sans fin. Une pièce d'1h30 à voir également les 10, 11, 17 et 18 novembre à 21h et les 22 et 29 novembre à 20h, toujours au Café Théâtre Les 3T. La pièce se poursuivra également en décembre et janvier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site des 3T, www.3tcafétéâtre.com sans majuscule et tout attaché bien entendu. Mardi 31 octobre 2017. Vous connaissez plein de chansons. Enfin, pour être plus précis, vous connaissez les airs de certaines chansons, mais les paroles, c'est très approximatif. Eh bien, venez redécouvrir certaines chansons transformées en fonction de l'actualité à la cave Poésie à partir de 21h. Ça s'appelle les soirées en avant la zizique, soirées goguette. Goguette, c'est le fait de prendre des chansons et d'en réécrire les paroles en fonction de l'actualité, c'est-à-dire exactement ce que je vous ai dit au début. Je radote un petit peu, non hein ? Bon, c'est pas grave, on fait avec. Enfin bref, pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de ce magnifique lieu qu'est la cave Poésie, qui au passage se trouve juste à côté de la place du Capitole pour ceux qui ne connaissent pas. Et le site en question c'est le www.cave-poesie.com, évidemment parce qu'il n'y a pas d'accent ni de majuscule dans les adresses de site internet. Il y aura d'autres soirées en avant la zizique à la cave Poésie, les 30 janvier, 24 avril et 26 juin pour la soirée goguette, hein, ce dont je viens de vous parler, et les 7 novembre, 16 janvier, 27 mars et 15 mai pour les soirées chansons à la cheminée, qui seront des bœufs musicaux menés par Simon Chouf et ses invités. Mercredi 1er novembre 2017, jour férié, mais pas pour tout le monde. Alors, si vous ne savez pas quoi faire pour occuper votre journée, rendez-vous à la 11e convention du disque de Toulouse au bikini dès 10h. C'est seulement 3€ avec en bonus un CD offert, sauf pour les moins de 16 ans, les étudiants et les demandeurs d'emploi, car oui, il y a encore des personnes qui estiment que l'accès à la culture, c'est pour tout le monde. Que pourrez-vous y voir ? Eh bien, de très nombreux exposants, des t-shirts, des disques, des goodies, une radio. Et oui, Radio FMR installera son studio sur place pour l'occasion, mais également des concerts. Vous pourrez entendre donc des concerts sur place dès 15h30 avec le groupe Paper Black, qui au passage a sorti une chanson par jour en 2016, ainsi que le groupe Mampi. Allez-y, ça vaut le coup. Jeudi 2 novembre 2017. C'est les vacances, mais pas de repos pour la culture, avec les parleurs Quintet Poématique au Hangar, qui est à la fois un lieu où on peut découvrir une programmation artistique intéressante, mais également un lieu de formation pour tous ceux qui souhaitent avoir une approche corporelle du théâtre. Pour en revenir aux parleurs, cela se déroulera donc au Hangar à 19h dans le cadre du festival des théâtres près de chez vous. Pour parler brièvement de ce festival, il s'agit d'un rassemblement de plusieurs théâtres toulousains autour de l'idée, je cite, « de rencontrer de nouveaux publics, de valoriser leur singularité et de manifester la vivacité de la création dans leurs murs ». Cela vous permet de voir plusieurs spectacles à un tarif préférentiel, à savoir une place achetée pour un spectacle partenaire du festival, et vous pouvez aller voir n'importe quel autre spectacle du festival pour seulement 3€. Cette année, ça se déroule du 2 au 12 novembre et je vous invite à vous rendre sur le site du festival www.tpv-toulouse.org afin d'en savoir plus et de consulter la programmation très riche. C'est donc dans le cadre de ce festival qu'est programmé Les Parleurs au théâtre Le Hangar, ce quintet poématique, entre parenthèses 4 hommes et une femme, comme quoi la parité n'est pas encore d'actualité dans les arts du spectacle. Et ils vont donc vous proposer des lectures de textes et de poèmes du Moyen-Âge à nos jours. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du théâtre du Hangar, www.lehangar.org. Vendredi 3 novembre 2017, partons maintenant pour un voyage à la découverte de soi au travers d'un véritable melting pot artistique. Musique, danse et théâtre sont les composantes de Chant de son, le spectacle d'Émile Abosolo Mbo, qui vous est proposé à 20h30 au Centre culturel Alban Mainville, dans le cadre du festival Danse et Continent Noir. Pour visualiser la programmation intégrale, elle est disponible sur le site de la mairie de Toulouse, dans la rubrique Culture. Pour en revenir sur le spectacle, l'acteur Émile Abosolo Mbo, que l'on connaît notamment pour avoir joué dans Plus belle la vie et Une famille formidable, comme quoi il faut bien que tout le monde vive, il va nous raconter les 3 premières années d'un jeune garçon auprès de son maître à penser et meilleur ami, le vieux Wintaka, désolé si je prononce mal, en 12 000 mots, 25 personnages et quelques instruments. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site du centre chorégraphique James Carless, www.jamescarless.com, toujours sans accent et sans majuscule et tout attaché, dans l'onglet Festival. Samedi 4 novembre 2017, c'est le début du week-end, donc allons voir hors de Toulouse ce qu'il s'y passe. Et on se retrouve à la médiathèque municipale de Carbonne, qui est une sympathique petite ville à une trentaine de minutes de Toulouse, direction Tarbes. Mais que pouvons-nous y voir ? Eh bien, à 18h30, à la médiathèque François Mitterrand, le collectif bordelais Je suis noir de monde vous présentera Comment la parole, histoire de lecteur. Une voix, une violoncelliste et des textes écrits par plusieurs auteurs autour de témoignages de lecteurs. L'ensemble des textes sont publiés aux éditions Lire des Marges, que nous avions rencontrés à l'occasion de l'émission qui leur avait été consacrée, et c'était donc le En piste les artistes, saison 1, épisode 12, si je ne vous dis pas de bêtises, je crois bien que c'est ça, oui. Cet événement gratuit fait suite à un atelier d'écriture animé et encadré par Marie-Odile Flambard, ayant eu lieu dans cette même médiathèque. Je ne peux que vous inciter à aller écouter ces paroles de lecteur lues par la comédienne Sophie Robin. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la mairie de Carbonne, www.ville-carbonne.fr. Et pour vous procurer les textes, ça se passe sur le site des éditions Lire des Marges, www.liredesmarges.fr. Au passage, c'est pas lire, L-I-R-E, du verbe lire, hein. C'est lire, L-I-R-E. Sauf que dans l'adresse du site internet, c'est L-I-R-E, tout attaché. Et donc, pour finir, pour avoir un aperçu du travail de qualité du collectif Je suis noir de monde, ça se passe également sur leur site internet, www.jesuisnoirdemonde.fr. Dimanche 5 novembre 2017, quoi de mieux pour terminer cette semaine en beauté que de vous rendre, après votre marché dominical, car manger local c'est mieux, au théâtre du Grand Rond pour le brunch littéraire à partir de midi. Donc au lieu de rester au lit en pleurant sur votre sort car demain c'est la rentrée, allez donc nourrir votre esprit. Qu'allez-vous voir et entendre ? Vous ramenez à manger, le Grand Rond vous propose à boire et des lectures de textes d'autrices. Alors, je vous entends arriver de suite, s'il vous plaît, pas de débat incessant sur la mise ou non au féminin de certains mots. Je ne fais que reprendre ce qui est écrit sur le site internet et ne suis même pas certain de mon propre avis sur la question. Donc, à toi qui t'apprêtes à nous envoyer un mail incendié sur le sujet, je t'en prie, ne le fais pas. Pour terminer sur le brunch littéraire, ça se passe également dans le cadre du Festival des théâtres près de chez vous et l'entrée est à prix libre. Donc si vous voulez passer un bon moment de convivialité artistique, c'est au Théâtre du Grand Rond qu'il faut aller. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du Théâtre du Grand Rond, www.grand-rond.org, et non, ces termes ne sont pas utilisés pour décrire mon physique gracieux. Donc pour finir en beauté, on va s'écouter un morceau d'un groupe qui a été spécialiste pendant environ 40 ans de carrière de la chanson théâtralisée, si bien que ce quatuor a reçu le Molière d'honneur des mains de Raymond Devos en mai 96, presque 15 ans après l'arrêt de leur longue carrière. Ce groupe, vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit des Frères Jacques, dont le dernier représentant Paul Touraine nous a quittés il y a presque un an jour pour jour. Nous allons écouter « Les boîtes à musique », chanson créée pour l'opérette « La Belle Arabelle » en 1956, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, 1956, et dont les paroles ont été écrites par Francis Blanche. Je vous souhaite une bonne écoute et à samedi prochain pour une nouvelle semaine culturelle sur Radio Montmirail. Thank you. musique un peu fantastique, magique et mystique, tantôt poétique, tantôt sarcastique, avec un rien d'ingénu. Elles ont des musiques caractéristiques, des airs ironiques, aristocratiques, qui vous communiquent les mois romantiques, parfois les ans révolus. Lancez marquise, la marquise lancée, la garde exquise du temps passé. D'abord la danse, puis la romance et l'insouciance, la défaillance. Voici que s'ouvrent les bras de défaillance sur les lanternes d'Italie. Parmi les brumes de l'oubli, rubans et cravates, cotons et cravates, charmants diplomates, prêteurs et pirates, dames délicates, beaux des cœurs, flattes dans les bosquets de Marly. Mais ces acrobates, ces aristocrates n'ont pas de moplates, de cœur ni de prates, car les automates ne sont que des boîtes, des roues, des fils, des poulies. Frêle mécanique, il faut remonter la boîte de musique. But I